Mais il y a un point très intéressant, c'est que le M. Morzy nous dit les profs à l'école puis les directeurs, là, c'est pas des spécialistes. Tu sais, dans la vieille mentalité, il y a encore des gens qui sont impressionnés par ça, là, un professeur d'école. Là. Écoute, ils doivent le savoir, eux autres. Hein? Ils sont allés à l'école, puis ils sont professeurs d'école. Puis j'ai bien du respect pour les enseignants. Je te dis pas que je les respecte pas. Mais il faut reconnaître qu'ils ne sont pas des spécialistes. Là. Ils sont pas des spécialistes en santé mentale. Là. Puis l'autre point, c'est l'assurance médicament. Ça aussi, là, dans le fameux 44%. Là. Retenez ça, là. 44% du Ritalin prescrit au Canada, c'est au Québec. L'assurance médicament, il est pour beaucoup là-dedans. Là. Ce que je trouve triste, c'est quand le docteur mentionnait que on met du Ritalin à un enfant sans savoir exactement qu'est-ce qui crée son inattention. T'sais, on est-tu en train de mettre un plaster sur un problème qui est plus profond? Y a-t-il quelque chose dans sa vie qu'il faudrait qu'il soit changé, géré autrement? Y a-t-il de la difficulté dans sa famille, dans son entourage? Non. L'inattention à l'école, puis regarde, c'est les raisons que tu nommes, elles sont vraies. Mais la raison numéro un de l'inattention des gars à l'école, là, ils sont pas stimulés. Numéro un, loin devant toutes les autres, c'est que c'est plate à mourir. Ils bougent pas. Pour un gars. Ils bougent pas, on nivelle par le bas, l'école on rend les affaires pour plus les faciles. Ben oui. C'est des écoles de feufilles. C'est de la théorie. Petit gars est malheureux. La majorité des petits gars sont malheureux à l'école primaire. Tu disais, Jérôme, c'est 44%. Hein, de... 44% du Ritalin qui est prescrit au Canada, c'est au Québec. Moi, j'ai quasiment à moitié. Moi, j'ai un questionnement, parce que il y a une question de mentalité là-dedans. Dans tout ce qui se donne en Ritalin là, dans les écoles, là, je sais pas si c'est un questionnement. Y a-t-il une corrélation entre ils s'en donnent plus dans les écoles en ville versus les écoles en région? Très possible. Très possible. L'école en ville, et je l'ai jamais étudié, mais ce que tu avances là, l'école en ville est peut-être plus féminisée que l'école en région. Parce que tu le sais, moi je viens du bas du fleuve. Ouais. Puis j'en connais des jeunes enfants là, qui ont vraiment des problèmes diagnostiqués, pas de l'hyperactivité, mais des troubles d'attention, de la dysphasie, des histoires comme ça. Ben, j'en connais pas un qui prend du Ritalin. Non, c'est ça. Puis je vais te faire une autre constatation que j'ai vue. Puis hier, je l'ai vécu avec les enfants de ma blonde. Ils ont fait les deux, le privé et le public. Et l'école publique est moins faite pour les gars que le privé. L'école privée est plus faite pour les gars, d'après moi. Parce que souvent, dans les écoles privées, le sport est plus développé. Tu sais, les filles aussi, les filles sont bonnes souvent dans le par cœur. C'est parfait, là. On a une facilité. Le gars va être bon plus dans un autre style d'apprentissage. Mm-hmm. Les filles, eux autres, ils vont apprendre leurs affaires par cœur, puis ils vont être bonnes, entre autres, en droit, puis en médecine. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. T'sais. Les gars vont être bons dans d'autres choses. Les gars vont être bons dans d'autres domaines. Et moi, j'ai vu une différence entre le privé et le public aussi. L'école privée est moins féminisée que l'école publique au Québec. Ça, c'est évident. C'est totalement évident pour avoir testé les deux. Regarde, mon gars de 3 ans, il rentre à l'école là, dans 2 ans. Là. J'ai valé son frère et sa sœur là depuis 18 ans maintenant. Là. Le temps passe vite. Là. Je t'annonce que j'ai aucune espèce de question. J'ai aucun questionnement. Il commence sa prématernelle au privé, la maternelle au privé. Ça va être le primaire au privé puis le secondaire au privé aussi. Parce que c'est plus fait pour les gars. Et je suis convaincu qu'il va être plus heureux, qu'il va bouger plus, qu'il va être plus stimulé dans une école privée. Mais t'aurais-tu eu le même questionnement si t'avais eu une petite fille? Elle aurait bien réussi à l'école publique. Ben, vois-tu, nous autres... Ouais, non, je comprends, mais... La fille de ma blonde a fait les deux, privé-public, puis elle a aussi bien réussi au public qu'au privé, puis elle était très heureuse au public aussi. OK, elle était très heureuse au public. Nous autres, là, check bien ça, pendant longtemps, là, nous autres, là, Romy, la fille de ma blonde, était au public, et Étienne, son gars, était au privé. Pendant longtemps, ça a été ça. C'est pas parce qu'on favorisait Étienne. Pas parce qu'on favorisait le gars, là. C'est parce que dans cette situation-là, chacun était plus heureux comme ça. Les deux étaient heureux comme ça. Après ça, la plus vieille est allée au privé, elle aussi, là, pour faire du sport pis tout ça, là, mais on l'a remarqué conjointement, là. Les deux étaient plus heureux comme ça. Fait que ton histoire de ville pis de coin un petit peu plus... De région. Région, ça, je serais pas surpris que ça soit vrai aussi. T'sais, moi, je me base sur l'expérience, sur ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai vu, de ce dont j'ai été témoin. Est-ce qu'il y a une corrélation à faire at large? J'en ai aucune espèce d'idée. C'est ça. Mais, je sais pas. Je me pose la question. Mais moi, je sais qu'en 2013, mais moi, d'une classe au primaire, je suis sur le Ritalin. Prends le même étudiant que j'étais en 84 à l'école Cap-Soleil à Charlebourg. Mais moi, aujourd'hui, dans une école publique, En 2013, c'est ceux qui me mettent sur le Ritalin. Parce que j'avais la tête ailleurs tout le temps. On à quoi tu penses que je pensais, moi? Pendant les cours, dans les années 80, okay. Je pensais au Nordique. Ouais. Ça m'intéressait pas, ce que l'enseignante disait en avant. J'avais aucun intérêt pour ça. C'était plate à mourir, là. Puis dans ce temps-là, le sport était moins développé aussi dans les écoles. Rappelle-toi, là. Toi, t'es plus jeune un peu, mal, mais Véro, t'as quasiment mon âge, toi. Le sport était pas aussi développé qu'aujourd'hui. On s'emmerdait sacrément à l'école, là, nous autres, les gars, dans le temps, là. T'as plate en ciboire, là. Mais nous autres, ce qui était pas pire, c'est que, comme on était en région, ben, des terrains libres, il y en avait. T'avais de l'espace, souvent. Toi, hein, c'est fait ça. On s'organisait une gang de chums, puis go, c'était parti, là. Alors, c'est ça. Et puis nous autres, fallait surtout pas jouer au hockey dans la cour d'école. Eh, hey, t'as peu, là. Hey, on va se blesser, puis c'est encore pire aujourd'hui, je pense, là-dessus, dans bien des écoles, là.